et ils avaient le sens du rythme, parce que ça, il faut quand même l'avoir. Un peu comme c'est la percussion finalement, donc comme du djembé ou autre, mm-hmm. on n'a pas besoin d'être musicien pour faire du djembé. Donc ça se transmet comme ça oralement. Donc il y a des tas de cassures de rythme, il y a un schéma qu'on reproduit, il y a une introduction, une conclusion, mm-hmm. C'est ça qui s'apprend. Il n'y a pas eu un génie qui a appris en un mois ce qu'on apprend en trois ans ou quelque chose comme ça? Ben en fait, c'est pas le génie, c'est le musicien. C'est-à-dire qu'un musicien va effectivement apprendre ses rythmes et ses schémas beaucoup plus rapidement que... C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'étais le premier carillonneur musicien à Toulouse. Donc effectivement, l'ancien carillonneur, il m'a dit, ça c'était un apprentissage de 7 ans ou d'un an, enfin je sais plus combien il m'a dit, mais ça se faisait sur des tas de dimanches. Et en plus, quand vous répétez, il n'y a pas de répétition possible. Quand vous êtes au clocher, oui, la répétition, c'est un concert. Sûr. C'est pour ça que tout le monde entend. Excusez-moi, c'est je suis désolé. Il faudrait mettre du son de carillon à la place de... faudra m'en envoyer. Mais ou... ça existe. Oui, donc vous êtes musicien de formation, quel instrument vous avez Conservatoire au début, donc solfège, piano, chant. Après effectivement beaucoup de chants, chants solistes, lyriques, jusqu'aux planches du Capitole, hein, dans le corps supplémentaire. Après, j'ai appris l'orgue liturgique. Je suis aussi chef de chœur, chef d'orchestre et professeur de chant. Voilà. Rien que ça. Bon, d'accord. Voilà, mais essentiellement, on tournait effectivement autour de la voix, oui. Et du clavier, orgue et carillon. Donc vous en faites toujours de la musique? Ah oui, à part les carillons. Oui, absolument, oui. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les carillons, ça se joue tout seul ou ça se mélange avec les autres instruments? J'ai du mal à parler. Réponse est double parce que bon, il faut peut-être expliquer ce qu'est un carillon à la base. Oui, c'est ce que j'allais demander. Qu'est-ce qu'un carillon? J'ai essayé de demander depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un carillon? À la base, carillon, c'est quadrillon. Ça veut dire quatre cloches. Bon, vraiment à la toute base. Mm. Aujourd'hui, un carillon, ça s'entend à partir de... Alors, à Toulouse et dans la région, à partir de 9 cloches. C'est-à-dire une octave. Une octave où on peut siffloter à peu près toute musique, hein, qui sifflote, on peut la jouer sur 8-9 cloches. Après, le grand carillon mondial, on va dire, c'est 3 octaves, 4 octaves. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces notions? C'est un peu comme un piano avec un clavier, mais au lieu d'avoir des cordes, vous avez une cloche au bout. Et alors, plus le son est grave, plus la cloche est grosse. Mm-hmm. Un peu comme les tuyaux d'orgue, qui sont plus longs. Mmh. Et ça peut aller jusqu'à 3 tonnes, 10 tonnes, et même plus. Et c'est actionné comment ça? Voilà. On va sauter de... Parce que... voilà. De la même façon qu'on bouge pas le piano, hein, pour faire bouger les cordes, il y a quelque chose qui vient taper sur la corde. Et voilà. Donc là, on se coupe pas non plus la cloche, mais c'est le battant qui est dedans, oui, qui est rapproché du bord, d'accord. Et qu'on actionne. Donc ça percute la cloche, c'est pas... Voilà, ça percute, la cloche bouge pas. Il vaut mieux pas. Parce que là, il faut une sacrée force de bras. Là, c'est un bœuf par cloche, hein, pour tirer. Oui, donc vous pouvez pas vous entraîner chez vous ou dans un studio. Alors, si, dans l'absolu, il y a des petits carillons d'étude quand même. D'accord. Dans l'absolu, mais il n'y en a pas à Toulouse. C'est-à-dire qu'on a le clavier en bois, hein, c'est le même. Oui. Et au bout, au lieu d'avoir des cloches, on a des lamelles. Comme le xylophone, par exemple. Okay, okay. Ou alors des petites clochettes. D'accord. Donc on peut avoir un clavier d'étude dans son garage. On y voit plus clair là. Mais ça ne remplace pas quand même le jeu de carillon, là où il y a une mécanique qui a son poids. Et, quand les cloches sonnent, elles vibrent. Elles vibrent sur 5 partiels fondamentaux et ça excite aussi les autres cloches. Donc ça fait un bain sonore qu'on ne peut pas reproduire quand même sur un clavier d'étude. Donc ça ne remplace pas. Bien. Ça ne remplace pas le. Je suppose que le carillon, on ne va pas le trouver que dans les musiques religieuses, il doit bien servir à autre chose. Le carillon, il faut distinguer plusieurs traditions. Il y a la tradition flamande, hein, le carillon de Beffroi, où là on est dans le Beffroi de l'hôtel de ville. Et effectivement, c'est la municipalité qui a un carillon pour ses annonces municipales ou son bon plaisir. Donc là, effectivement, ça va être entièrement profane. Dans le Languedoc, dans l'Occitanie, c'est plutôt effectivement un carillon liturgique, où là, c'est plutôt dans les clochers. Et à la base, effectivement, les sonneries traditionnelles qui racontent l'histoire de Saint-Saturnin, c'est purement liturgique. Mais en même temps, le carillon aussi a une annonce, annonce les heures. L'Angélus, c'est mi-liturgique, mi-profane, mi-laïque, parce que ça annonce les travaux des champs. Quand on entend l'Angélus du matin, bon, on se lève, on va au champ. À midi, c'est la pause déjeuner. Il n'y avait pas d'heure à l'époque, il n'y avait pas d'horloge. Le soir, on arrête le travail, on rentre à la maison. Donc il y a aussi le tocsin. Le tocsin, c'est un incendie, boum, on sonne les cloches, tout le monde sait pourquoi. Ou alors, un chef d'État arrive en ville, un duc, un prince, et là, on sent des carillons à toute volée. On ne peut pas dire que ce soit liturgique. Et d'ailleurs, c'est une chose à savoir, hein, depuis le Concordat, les cloches d'église, hein, sont tenues de sonner lorsque le président de la République, le chef de l'État, est dans la ville. Donc si demain Nicolas Sarkozy arrive à Toulouse, il est en droit de faire sonner les carillons et les cloches des églises. Ce serait plus marrant s'il est sonné lui-même, tiens. Je crois que dans ses ministères, il en sonne déjà pas mal. Hein. Et c'est d'ailleurs pourquoi, moi j'avais sonné pour accueillir la reine Elisabeth II, quand elle était venue, hein, il y a 3 ans, et j'avais sonné le God Save the Queen depuis le Thor, le carillon du Thor. D'accord. Puisqu'elle était descendue de voiture faire la place au Capitole. Mmh. Bien entendu, personne n'a rien entendu. Pour la forme et le geste. Oui, pour pas que ça se perde. Pour la forme et le geste, oui. Et... Vas-y. Vous avez joué sur d'autres carillons que celui de Saint-Sernin. Voilà, d'où ma question aussi. Il y en a encore combien en état? À Toulouse, il y en a 14, hein, intramuros. Ah, carillon. Oui, en état, bon, il y en a 3 ou 4. Ah, ouais. L'idée, tout se tient, la disparition des carillonneurs et l'arrivée de l'électricité, et le changement des us et coutumes, tout se mélange, c'est-à-dire que moi et aucun jeune aujourd'hui va aller se lever à 7h du matin pour sonner un carillon, pour sonner un Angélus. Hein, et en même temps, l'électricité fait ça très bien depuis 1936. Oui, c'est sûr. Bon. Donc il y a un usage qui se perdait, et puis l'église ayant moins de moyens, moins de prêtres, finalement le carillon ça vient en dernier, quoi. Si on se préoccupe d'abord des fidèles, du chant de la messe, de l'orgue, quand on peut et quand on a des sous, mais le carillon c'est passé un peu la trappe. Donc aujourd'hui on a des tas de carillons débranchés, les cloches restent, hein, parce que les cloches pour les enlever, ça demande des sous, donc mais couper un câble ça coûte rien, c'est un coup de ciseau. Et ça se fait rapidement. Mais malgré tout, il en reste jouable à Saint-Étienne électriquement, à la cathédrale, à Saint-Sernin manuellement, à Saint-Joseph aussi manuellement. Et alors, maintenant, il y a aussi un renouveau. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui se montent en association, hein, Carillon Pays d'Oc par exemple, tous les carillonneurs du sud de la France. Et on fait des actions, on parle du carillon, on va dans les radios. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes beaucoup. On est une dizaine, oui, sur le sud de la France. Ah ouais, c'est... Et on arrive à faire restaurer des carillons, à faire prendre conscience que c'est un patrimoine. Parce que c'est un patrimoine, hein, à la fois culturel, historique, architectural, tout se rejoint. Et donc dernièrement, la mairie de Toulouse a fait restaurer le carillon de Saint-Exupère. Donc on a rebranché le clavier manuel qui était débranché. On l'a aussi automatisé électriquement, comme ça, j'ai pas besoin d'y aller tout le temps, mais je peux programmer, par exemple, les sonneries de Noël, elles vont sonner toutes seules pendant 3 semaines, hein, des petits Noëls, comme ça. Pendant l'été, on a sonné des petites comptines pour le jardin d'enfants qui était à côté, Frère Jacques, Cadet Roussel, ça sonne tout seul, donc c'est on allie modernité et tradition. En fait, voilà. Quand on fait ça, en fait, c'est quelque chose qu'on fait à plein temps. Enfin, je veux dire, c'est comme un métier ou c'est juste une activité à côté d'autre chose? Oui, c'est une activité au métier à côté d'autre chose. On ne peut pas vivre du carillon, voilà, aujourd'hui. Oui. Il y a 2 carillonneurs en France qui vivent du carillon, mais c'est du carillon du Nord. Donc là, ils vivent sur des grands instruments, ils voyagent dans le monde et ils sont professeurs dans une classe carillon. Aujourd'hui, dans le Sud, il n'y a rien de tout ça. Donc il y a tout à faire et là, ça se fait en marge, effectivement. Et presque à pertes et profits. Vous en faites souvent des représentations? Non, ça reste exceptionnel parce que d'une part, il n'y a plus l'habitude. Oui, et qui le demande quand vous en faites? Les demandes sont rares. Généralement, on propose. Ah oui. On est dans la phase de proposition et de résurrection du carillon sonore dans l'espace urbain, avant de gêner les gens. Et un jour, on dépassera ce cap où, effectivement, les gens le demanderont. Mais on n'est pas encore là. Il y a tout un travail à faire. Donc, il faut aller petit à petit, parce que les voisins, il faut qu'ils dorment aussi. Et puis s'ils entendent sonner le carillon tous les jours, même à 6h, bon, ils ont envie de regarder Question pour un champion, tranquille. Donc il y a ça aussi. Quand vous faites pour les églises, c'est n'importe quelle église? Ou il y a des par rapport à la religion? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, si vous êtes catholique, est-ce que vous faites que pour les églises catholiques ou est-ce que vous faites aussi pour les évangélistes, etc.? Il n'y a de carillon que dans les églises catholiques. Ah d'accord. Okay. La tradition est là. On est quand même de tradition. Les autres, ils font pas alors. Les autres, je suis allé au temple protestant, il n'y a pas de cloche. Je suis dans la chapelle évangéliste ailleurs, il n'y a pas de cloche. Mmh. À la chapelle orthodoxe, il y a sa petite clochette, mais pas plus grosse que le haut de la main. D'accord. Donc la question ne se pose pas. Mmh. Mais inversement, il y avait un carillon Capitole avant la Révolution. Un carillon laïque, donc. Mmh. Qui a été installé 30 ans avant la Révolution. Et bon, la Révolution a fait main basse sur tout ce qui était métal et, ouais, et autres pour faire des pièces et des canons. Donc on n'a plus de carillon au Capitole. Mais il y a encore trois cloches, quand même. Qui sonne les heures. Au Capitole. C'est toujours ça. Oui, ah oui, derrière. Il y a trois cloches. Square, au niveau, non. Il n'y a rien dans le square et dans la tour des archives, là, dans le donjon, en ardoise, et, qui fait campanile, effectivement, mais il n'y a rien, il n'y a jamais rien eu. Ah. Ça piège tout le monde, même les guides de la ville, hein, d'Artémis, ils disent oui, il y a une cloche là-bas. Alors je me suis dit, tiens, j'ai mal vu. Alors j'y suis allé. Parce que bon, moi je savais qu'il n'y en avait pas, mais dans le doute, je me suis dit, tiens, ils ont peut-être installé depuis. Alors je suis allé dedans, et puis non, il n'y a jamais rien eu. Mais elles sont derrière le frontispice de la place du Capitole. Et si vous mettez dans un coin, là, devant le grand hôtel de l'Opéra, vous allez les voir en biais, par derrière, elles dépassent. Ah, oui. Et ce sont elles qui sonnent les heures. On regardera. On va écouter un peu de musique. Absolument. Voilà. Je crois même qu'on vous entend dans ce titre. Voilà, Bertrand Hollet, on entendait sa voix de basse. Et je préciserai ensuite sur le site internet, comme ça pousse les gens à aller sur le site internet, c'est indiesis.com, indiesis.com. Et Marie va nous faire sa chronique, les bons plans du net. Ils arriveront bientôt. Ah ah. Des jingles de cloche. Bonne idée, bonne idée. Alors bien, ce soir, je vais vous parler de cinéma, d'expo libre et de langue occitane. Alors, pour commencer donc, cinéma. Je ne sais pas si vous êtes férus de cinéma, mais... Avant. Mais si vous l'êtes, en tout cas, je vous conseille d'aller à la Cinémathèque de Toulouse et sur leur site internet, donc www.lacinémathèquedetoulouse.com, tout attaché, c'est pas compliqué, où vous pourrez trouver donc plein d'informations dessus. Alors, le but de la Cinémathèque est la protection donc du patrimoine cinématographique national et régional, mais elle souhaite également proposer des débats qui permet de faire avancer la place de l'image dans le milieu artistique. Alors, d'un point de vue pratique, ce qui est intéressant de voir la Cinémathèque, c'est surtout des séances quotidiennes, sauf le lundi, des expositions présentées dans le hall pendant les horaires d'ouverture, donc en entrée libre. Il y a également une bibliothèque où on peut consulter donc, plein de documents, afin justement d'en savoir un peu plus sur le cinéma, son univers. Et également, à la Cinémathèque, vous pouvez donc profiter d'avant-premières et de soirées exceptionnelles, donc souvent organisées par les partenaires. Donc sur le site internet, qu'est-ce que vous pouvez y trouver? Alors plein de choses, je n'ai pas pu tout référencer, mais bon, je vais vous dire le principal. Alors, vous pouvez suivre les recherches effectuées dans le domaine de la cinématographie, mais aussi connaître tout sur le fonctionnement de la bibliothèque et la façon de consulter les documents référencés. Vous pourrez également connaître le programme 2007 et 2008 des événements. Malheureusement, il n'y a pas de diffusion de vidéos d'archives cinématographiques. Je ne sais pas si c'est un projet, mais en tout cas, c'est une idée que j'avais, si jamais... Il y a des personnels de la Cinémathèque qui m'écoutent, voilà une idée. Voilà, donc mais consultez donc leur site internet www.lacinémathèquedetoulouse.com, tout attaché. Donc bien sûr, je remettrai les références sur le site d'Indiesis. Alors pour suivre, je vais vous parler maintenant d'un site internet qui s'appelle Expo Libre. En fait, pour résumer, c'est une galerie d'art virtuelle ouverte à tous les artistes, peintres, sculpteurs, musiciens, infographistes, sérigraphistes, photographes, etc. Tout artiste qui a envie de se faire connaître en fait. Son but est de faire découvrir des artistes, mais comment on procède ce site? C'est très facile. En fait, il met à la disposition des artistes un espace libre d'expression et d'échange qui permettent d'exposer leurs œuvres sur le site. Alors, donc, si vous êtes artiste, vous pouvez prendre des notes. Alors, c'est très simple, si vous souhaitez. Donc, exposer vos œuvres ou vos musiques sur ce site. Il suffit d'envoyer les images de vos œuvres en format JPEG. C'est bon, tout le monde note. Les musiques en format MP3. Et donc, d'envoyer tout ça au site gratuitement, bien sûr. Tout ça est gratuit, je précise. De rajouter une petite note de présentation et les dates d'exposition ou de concert. Et voilà. Est-ce que l'espace est limité? Par exemple, sur MySpace, on peut normalement pas rajouter plus de 4 morceaux. Alors, je ne sais pas. Ah, bravo. Alors, ça, c'est pas bien, quoi. Je pose un c'est question. Une... Je pose un virée. Bon, d'accord. Tu sors. Bon, ben, à bientôt. Non, non, non. Non, mais de toute manière, vous pouvez vous informer auprès du site. Il y a une adresse mail où vous pouvez poser toutes vos questions. L'adresse, non, je ne l'ai même pas. Mais je la mettrai bien sûr sur le site d'Indiesis. Il faut consulter le site. Indiesis, s'il te plaît. Alors le site d'Indiesis, bien sûr, www.indiesis. Alors INDIESIS.com. Voilà. Et donc, où je mettrai toutes ces informations, bien sûr, mais toutes les informations seront sur le site d'expolibre.com. Tout attaché ? Tout attaché, comme ça se prononce. C'est très facile. Merci Marie. Merci. Et enfin... Ah pardon. J'ai encore un petit... Ah bravo Landon. Non mais c'est comme tu veux, si tu veux je reviendrai dans 15 jours pour dire bon. Mais ça sera fini malheureusement donc. Alors c'est donc concernant le festival Occitania. Je peux te poser une question ? Bien sûr. C'est quoi le festival Occitania ? Eh bien c'est tout simple, si tu ne connais pas. Alors, cette année, c'est... Les Orients d'Occitanie. Alors, tout ce qui met en avant la création occitane et ses liens avec la culture méditerranéenne. Donc, à travers 50 événements, c'est bien ça. Donc, là aussi, poésie, cinéma, danse, conte, etc. Plein de domaines artistiques sont représentés et qui mettent en avant donc, la langue occitane. Alors, peut-être que parmi vous, il y en a qui savent parler occitan. Non, pas du tout. Même pas un petit peu. Espagnol à la rigueur. Occitan ? Occitan ? Oh, si on regarde les pancartes des rues. Oui, d'accord, mais tu sais pas parler. On apprend à dire place, rue. Ouais. Ça se dit. Place. Après, c'est carrière. Ça se dit. Ah oui, non, c'est Carrera, rue. Exactement. Ouais, voilà, Carrera. Ouais. Oui. Bon, ben voilà, on sait au moins Carrera. Place, voilà. C'est Plaza. Carrero. Je crois qu'il y a beaucoup de rues Carrera, tout le monde. Et ben voilà. J'ai vu des voitures, il y a des voitures aussi. Des voitures ? Voilà. Ah oui, oula. D'accord. Merci, il y en a qui comprennent, okay, oui, ça fait d'accord. Toujours plaisir. Bon, pour revenir donc au festival Occitania 2007, donc qui se termine le 27 octobre. Donc c'est bientôt, il faut encore profiter des événements. Le 27 octobre. Ah, oui. Voilà. Donc, c'est un samedi. C'est possible. Hein. Puisque le 26 est un vendredi. Il a tout pour la casser. Je sais pas, ils sont en train de tester là ce soir. En fait, je sens que l'Andrit, là, c'est des pièges. Nous aurons une année. Il est pas venu la semaine dernière. C'est pour ça. Laisse-moi parler. Je viens tous les 15 jours. C'est moi le chef. Oui, l'Andrit, vas-y, parle. Puisque le 26, ce sera un vendredi le 26, puisque le 26, nous invitons Laetitia Laloy, graphiste. Quel enchaînement. Graphiste, décoratrice. Super. Non, ce sera une bonne émission. Aussi bonne que celle-là. Oh, formidable. Alors, j'y serai. Et qu'est-ce que je voulais rajouter toujours sur mon festival Occitania que je vais finir à... Je vais réussir à finir. Le site internet, donc festival.occitania.free.fr. Attention, il n'y a pas 3W avant. C'est directement festival.occitania.free.fr. T'as essayé d'en mettre des c'est W comme ça, alors, les deux en même temps, c'est difficile. Est-ce que tu as essayé d'en mettre des W ? Oui. Est-ce que c'est .free.fr ou pas ? J'ai mal entendu ? C'est oui, .free.fr. Ah, d'accord, .fr. C'est bon, j'ai rien dit. Voilà. Ouais, voilà. Donc, ça marche, je vous rassure, j'ai essayé, donc ça marche. Et donc, sur les sites internet, vous pouvez consulter donc, l'agenda des événements avec les lieux et le prix des entrées, dont beaucoup sont gratuites, donc très abordables. Également la description des intervenants, des photos, des vidéos, plein de témoignages et les archives aussi des précédentes années, donc de 2001 à 2006. Donc, si vous vous intéressez à la culture occitane, à son langage dans toutes les façons de s'exprimer, dans tous les domaines artistiques, eh bien, allez voir le site internet festivaloccitania.free.fr et bien sûr, toutes les informations de la rubrique sur indiesis.com. Bien, ça, c'est une association. Ça passe tout par une association ou... Oui, tout à fait, c'est une association, l'Institut d'études occitanes de Haute-Garonne. Qui a été créé et qui a créé ce festival en 2000. Voilà. C'est fini. Tin tin tin, les bons plans d'Inette. C'était Marie. À dans 15 jours. Merci. On revient sur notre invité. Charles. Oui, mais la transition est impossible. La transition est naturelle. On revient sur notre invité. Vas-y, repars, je te rejoins. Sinon, on passe quelque chose. Non, mais... mais c'est toi le chef, t'as dit tout à l'heure. Bien ouais. Sûr, c'est pour ça. Andrien, on attend. Oui, alors, on aimerait que vous parliez un petit peu du métier de chanteur, puisque vous êtes basse chantante, vous avez été Vous êtes directeur de chœur, professeur de chant, organiste. Et voilà, c'est très intéressant tout ça, il faudrait en parler. Ah. Comme on... Ça va être long. Ah. Comment on y parvient, parce que vous avez fait vos études au CNR, Conservatoire National de Région, oui c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, les de études, Toulouse. C'est un grand mot, parce que j'y ai passé 4 ans en fait. Ah, c'est marqué sur votre internet. Oui, parce que j'étais gamin. J'étais gamin pour échapper à la piscine, en fait. Oh, l'excuse. Alors, parce qu'au CP, on vous met à la piscine les mercredis. Et puis j'avais entrevu qu'avec les horaires aménagés du conservatoire, on échappait à la piscine. Alors ça, c'était bien. Et effectivement, je me suis retrouvé 4 ans au conservatoire dans le primaire à faire du solfège, du piano et du chant. Le solfège qui m'a éclaté, le chant aussi, et le piano qui m'intéressait pas du tout, mais alors pas du tout. C'est marrant, c'est là il va se faire ah oui, ah le oui solfège que, qui est barbant. Oui, mais moi j'étais amateur, donc ça me posait pas de problème. Mais le piano, j'ai redoublé 2 fois, donc au bout du deuxième examen raté à la 4e année, on m'a montré la porte de sortie. C'est qui correspondait à l'entrée au collège, donc c'était pas plus mal, parce que là il n'y avait plus d'horaire aménagé. Mais en même temps, j'étais passé à la maîtrise de la cathédrale de Toulouse où je chantais en tant que soliste. Et puis c'est là en fait que j'ai fait mes armes. Hein. D'ailleurs, alors je vais me faire taper dessus par les gens du conservatoire, mais les voix se font plus dans les chœurs ou dans les ensembles d'enfants que dans les conservatoires. Les conservatoires ne sont pas connus pour produire des voix professionnelles. Bon, ça se fait en France, c'est un peu dommage, ça se fait un peu, sauf exception, hein, un peu par ses propres moyens, donc dans les chorales, avec des professeurs de chant, avec ce qu'on veut, mais avec des concours. Et moi, j'ai suivi ce chemin-là, donc j'ai intégré les chœurs supplémentaires du Capitole en 80, je sais plus quand j'étais étudiant. Il a tout marqué, mais c'est mal rangé. Sauf ça. Faut pas se tromper, hein, parce si, c'est dans l'ordre, mais j'ai tout noté sauf ça. Bon, d'ailleurs, l'année n'intéresse personne. Mais... c'est pour placer dans l'ordre chronologique. Donc après, effectivement, j'ai fait mes armes un peu partout, dans les chœurs divers et variés, à l'étranger, jusqu'au Canada, où j'ai passé un an d'études en tant qu'ingénieur N7. Donc bah, petit à petit, ça vient sur le tas, hein, finalement. Oui, un peu plus jeune, donc j'ai appris l'orgue. Je suis arrivé effectivement sur le clavier, sur le tard, sur l'orgue. L'orgue me correspondait mieux, parce que je ne suis pas un virtuose du piano. Et mais c'est vers quel âge? 15 ans, l'orgue. 15-16 ans. Puisque mon cousin y jouait, donc ça m'intéressait. Puis même depuis tout petit, dans les églises, le son de l'orgue, cette présence, cette richesse de son, d'instrument, le truc qui vous plaque complètement au sol quand il y a tout. Oui. Et c'est vrai qu'on est aux commandes d'un A380 de la musique. c'est l'empereur des instruments. Vous l'empruntez des fois, l'orgue de Saint-Sernin? Pas récemment, mais oui, je l'ai déjà joué. Ça m'est un train de commun, je suis en Irlande aussi. Enfin, à chaque fois que je me balade, j'entre dans une église, je vais voir l'organiste ou le prêtre ou le machin, je fais filer la clé et je monte. Oui, parce que oui, on tombe rarement, c'est toujours ouvert, quoi. C'est entre musiciens et entre. On s'accueille, quoi. Enfin, mis à part quelques fous. Non, parfois il y a les cerbères qui gardent leur orgue comme on garde une poupée en porcelaine, mais c'est en voie d'extinction. Ça n'existe plus trop. Les gens, les organistes sont souvent plutôt ouverts. Donc après, voilà, après le carillon, le chant, et tout, on arrive au carillon. Et puis pour la direction de chœur, là aussi ça se fait depuis tout petit. Dans la maîtrise, on avait confié les directions d'assemblée. Bon, après j'ai regardé comment se former comment diriger tel chef de chœur, tel Michel Plasson, tel chef de chœur italien qui venait à l'opéra. Donc c'est beaucoup de formation sur le tas. Par l'observation. L'observation, la critique, on retient ce qui marche le mieux. Et puis il faut aussi avoir un sens pédagogique, c'est-à-dire l'envie de retransmettre quelque chose. Bon, il y a des solistes qui n'ont pas envie de diriger un chœur, qui n'ont pas envie de donner de cours de chant, ça se comprend. Alors après, quand même, quand je suis allé à Paris, quand j'ai travaillé quelques années, j'ai pris mon premier professeur de chant. Donc je l'ai pris très tard, finalement. Et c'était un ténor bulgare, à la retraite, et que j'ai choisi, en fait, en ayant entendu un de ses élèves, qui avait une voix très facile, très bien posée, très claire. Et avec lui, donc j'ai appris ce que je sais aujourd'hui, hein, de la technique vocale du chant. Et c'est ce qui m'a autorisé par la suite à me dire, tiens, là maintenant je peux retransmettre quelque chose de béton, parce que jusque-là c'était assez empirique en fait. Donc j'étais soliste, mais sans base solide. Et puis avec lui, je suis passé à la phase supérieure. Vous parliez de Bojan Stoilov ? Bojan Stoilov, oui. Donc son maître, Bromborov. Oui, Bromborov. Bromborov, c'est intéressant parce que c'est le professeur de chant de Nicolas Udiaorov. Pour ceux qui connaissent un peu les voix lyriques, Nicolas Udiaorov, c'est la basse du XXe siècle de référence. Il n'y a pas eu mieux. Vous pouvez les peler ? G-H-I. Si ça intéresse des gens comme moi, ils voudront qu'ils les pèlent comme moi. G-H-I-A-U-R-O-V. G-H-I-E-R-O-V. Nicolas. Il y a une basse bulgare qui est un peu plus connue et plus médiatique, qui est Boris Christophe, mais qui est d'un niveau au-dessous. Oui, c'est difficile de parler de niveau quand même, mais la technique de Gaurov était vraiment un limpide. C'était le Pavarotti de la basse en fait. Sans effort, il avait une puissance, un timbre et une énergie absolument. Donc finalement, je suis indirectement de cette école, hein, puisque. Vous avez hérité d'un savoir. Oui. Bien sûr. Petite dernière question. Quand même. On t'entend très mal, Charles. Ah bon, tu m'entends mieux. Oui. Voilà. J'avais une petite dernière question, donc. C'était savoir quel projet vous aviez en ce moment pour l'avenir. Je ne sais pas, pour le musical, vous avez des trucs de prévu, peut-être. Vous montez des choses. En ce moment, j'ai moins de projets, parce qu'ils sont un peu mis en sommeil. Après. Pour après. Vous voyez bien quelque chose. Il va falloir attendre que les enfants grandissent. Non, dans l'immédiat, par exemple, ce que je vais faire dans quelques jours, c'est une visite des carillons de la ville. Alors, on ne monte pas dans les carillons parce qu'ils ne sont pas en état d'accueillir du public. Hein, les clochers ne sont pas encore sécurisés. Et puis, ils sont petits. Mais, un peu comme un guide conférencier, j'amène... Les personnes intéressées de clocher en clocher, j'explique ce qu'il contient, ce qu'il a contenu comme cloche formidable, comme à Saint-Étienne où il y avait la cloche la plus grande du monde occidental jusqu'à la Révolution, et qui a été précipitée dans le vide et qui s'est cassée en morceaux, l'histoire de l'Augustine ou l'histoire de Saint-Cernin, etc. Et en projet musical, j'envisage aussi un deuxième disque de Carillon, puisqu'il y a de la demande. Sur un disque de Noël plutôt, puisque le disque que j'ai enregistré en premier au Carillon de Saint-Cernin était fait de morceaux de Pâques, de Pentecôte et d'Ave Maria, de Je vous suis marié. Et le prochain serait plutôt tourné sur des Noëls. Voilà, et peut-être des chansons enfantines, comme celles qui se jouent chaque été à Saint-Exupère. D'accord. Et on va terminer sur une question. Est-ce qu'il y a des projets de rénovation de Carillon ? Alors oui, il y a des projets de rénovation de Carillon, mais ça reste encore confidentiel parce que il y a des intérêts derrière qui jouent, donc il faut pas les compromettre. Mais oui, il y a des demandes et il y a des projets. Bon, tant mieux. On termine là-dessus. Merci. Ben ouais. Oui, merci. On entend Saint-Cernin. Hein, ouais, régulièrement là. On va vous remercier d'être venu toujours, oui, merci. D'avoir accordé. Merci de m'avoir accordé. Merci. Et on va faire la place à Laurent. Non, d'abord Myriam va parler petite promo. Oh là là. Oui, alors en fait, c'est pour vous reparler de la soirée brésilienne, au cas où vous êtes intéressés. Donc c'est pour vous rappeler, vendredi prochain, donc vendredi 19 octobre, à 20h, donc une soirée brésilienne qui sera au local de Samba Résille. Donc c'est en même temps ceux qui font la capoeira et enfin Capoeira Gem, l'association Capoeira Gem et Samba Résille qui organisent cette soirée. Donc ça sera donc au local de Samba Résille au 38 rue Roquelaine à Toulouse. Voilà. et l'entrée est à 5 euros. Après, vous aurez un concert, vous aurez des danses afro-brésiliennes, de la capoeira, et vous pourrez également prendre un repas. Voilà. Et tu voilà. Y seras, bien sûr. Oui, mais sans doute. Moi, si vous voulez me voir, là, si vous voulez rencontrer. Surtout s'il y a des Brésiliens, n'hésitez pas. Tu es brésilien, tu es. Tu seras habillé de quelle ouais. couleur mais en fait, apparemment, il faut venir habillé en blanc, mais c'est pas une obligation. Mais c'est mieux parce que ceux qui dansent à capoeira et tout, ils ont surtout des pantalons qui sont blancs. Enfin des... Mais bon, après, on n'est pas obligé parce que ceux qui vont ne feront pas forcément de la capoeira. Voilà. Donc voilà. Laurent, on va laisser la parole à Laurent maintenant. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Eh bien, je viens pour la lecture de poèmes. Merci. Donc là, je viens d'écrire un poème qui reprend un peu tous les thèmes que j'ai abordés depuis que j'ai commencé à écrire. Donc ça synthétise, ça permet de passer à autre chose, je l'espère. Enfin oui, c'est sûr, parce que là, avant, j'écrivais beaucoup avec des mots normaux, et maintenant, j'ai plus passé sur du travail de synthèse de la voix et tout ça. Tu as pris des distances ? T'as pris des distances sur ta situation passée ? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'en suis arrivé à un moment où tu prends les mots et puis c'est comme une serpillière. Et puis j'en avais marre des mots normaux, en fait. Et là, j'ai vraiment envie d'utiliser le mot uniquement pour son son, sa forme pure et son pouvoir d'évocation ou d'invocation. Sa profondeur ? Ouais, voilà. Et de même dépasser le sens, etc. Bien. Et là, c'est la transition. Allez. Bon, il est un petit peu long. On a le temps. Allez, c'est parti. Un narcisse de 16 printemps. Maman lyriopée et au son miroir de la barbarie était ça, da, le cri, le chant. Deviendrais-je crédible dans l'écho de mon chant? Sanglotant à la lune de ma glotte infortune, ainsi roulant lent dans les eaux, grotte, cavité mère, ô Syzygie, Lilith déesse s'ébattant, clapotidèle en vivo, enfant spermatique d'Adam, j'attends, entends, j'entends, attends, dans le primitivisme des mots. Et les bergères autour de Pan. Ekeo, ekeo, désintégrées particules d'infime, disparues, rochers de surdité, la voix aphone, acousma anorexique, pan, pan, pan, pan, pan. Et moi, radotant en rade, oh, sur mon radeau, Mariam, Mariam, le chant de l'océan nous sépare, Maya, Maya, dormant sous les fréquences, danse, condense, brasse, embrasse les eaux, écume et ressac, que mes yeux maintenant sont loin, éon, éon, éon, éon, pas plus qu'un humain, à l'été, à le temps, à l'altesse, allégresse, nourricière, canon, accroché à la voie lactée. Ô chimère, pupille dilatée, yeux, globes, orbes exorbités, rêve de dos. Dodelinant, dolico-brachycéphale, s'y mettait parfaitement égaré ici, dans ce passage paysage crâne, alors ce furent les mythologies qui m'inventèrent, s'éventant de leur gouvernail de verre à mon sabde, hache arythmique, devient Dieu cyber, dessinant en l'air des six naissants, ocho, hart, eight, asta, wostak, tamania, pa, huit, etc. Et moi qui suis pas, las, sur ce sur ce siège métro, âme vide, trop pleine, tumulte abruti des bestiaux fouliens, avide des némés, hydre, busiris et sophistes prométhéens, tréponèmes que j'aime, trépignant plus encore que ces amazones, abhorrées qui s'arborent, adorées parfois, le temps d'un minuscule, gigantesque orgasme, cosmos, mort, moi, dessinant en l'air des signes, oh singes, vents et taches solaires, apôtres, femmes au Yucatan qui copulent, cosmique musique sous ta peau, ruban d'Ouroboros aux aurores boréales, tachyon, photon. Qu'y a-t-il derrière? Le cierge de l'amour a brûlé l'âme. Paris a Aïda, Aphrodite séduit. Défoncé à l'acide. Désoxyribonucléique. Machine à rêve. Ceinture d'astéroïdes. Nerf auditif. J'ai enclenché les bandes. Devin Möbius. De vin ivre d'alcool, antimoine pulvérisé. J'allumais la lumière et suis passé aveugle, submergé sous ces rideaux de pluie, tritons harmonie, pluie de flèches sur la terre, reflets mortifères, sous les attaques en pic et stuka des piti harpica, narcisse, opium de 16 automnes, miroir bizarre où je me noie, nœud. Ventre, sous-partie zalicote, nerf auditif. Il ne faut pas que les vibrations soient inférieures à 16 pour produire un son. Fin. Quelle inspiration. Merci beaucoup. Vous voulez une autre poésie? Et comment te vient l'inspiration? En pleine nuit quand t'es dans le bus, je sais pas. Ben c'est marrant parce que justement il y a des parties qui ont été écrites dans le métro et d'autres dans la nuit. D'autres. Oui, c'était la semaine dernière en venant. Ah voilà. Qui était la partie en fait très très martelée, enfin avec le tumulte parce que c'est. Là, il y avait une différence entre la campagne et la ville qui était très perceptible. Et ça a évoqué des sensations qu'après, j'ai dû retranscrire avec des thèmes. Mais tu commences par Narcisse et tu termines par Narcisse. Pourquoi? La signification, c'est laquelle? Tu sais? Je sais pas. En fait, tu vois, quand j'écris un poème, je cherche pas une signification précise. Non, mais après, en te relisant, tu prends des distances, tu te rends compte? Non, comment ça? C'est-à-dire une fois que tu te relis, une fois que c'est posé sur le papier, ouais. C'est que tu sais que ce qui a été brouillé à l'intérieur de toi, une fois c'est mis au clair, c'est pour ça que tu l'écris. Donc en te relisant, tu comprends ce que tu as voulu dire ou pas? En fait, je pense pas que la poésie cherche à vouloir dire quelque chose de logique ou compréhensible. Pour moi, ce qui importe, c'est beaucoup plus. Ce que le souffle et le pouvoir évocateur de certains thèmes peuvent déclencher, en fait. Ça, c'est un message par un sentiment. Ouais, mais c'est pas vraiment un message, en fait. Il y a le seul message que ça serait... Je sais pas si ça a marché ou pas, mais par la lecture, d'essayer de passer dans un autre dans une autre dimension, quelque chose comme ça en fait, comme quand tu es devant un tableau. C'est réussi, c'est un ressenti, ouais, voilà, beaucoup plus quelque chose qui essaie de voilà. Il suffit de demander, je traduis. Non, mais pas qu'un ressenti, pas qu'un ressenti en fait, tu vois, c'est... Mais non, à la fin, quand tu le relis, tu trouves pas une explication, enfin tu trouves pas des réponses, mais Disons, je pourrais te dire ça, je l'ai écrit, j'ai mis ce thème parce que, etc. Mais en fait, c'est pas du tout le plus important. Mais ouais. Par exemple, pourquoi j'ai mis Narcisse de quoi c'est parti, ça? C'est parti du sens Narcisse, narcissisme, je sais pas. Mais j'ai relu la mythologie de Narcisse et Écho, en fait. Voilà, et... dans ton cerveau, donc c'est lié. Dans ton cerveau, le Narcisse et narcissisme, c'est lié. Ah oui, mais de toute façon, ça s'est lié par la langue, en fait. Ouais, ouais. Non, ouais. Savoir si quand tu l'écrivais, ça avait une corrélation avec le narcissisme. Vraiment, dans ta tête. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Voilà. C'est l'acte, en fait, de peindre un monde avec des mots, en fait. C'était plus ça, vraiment. Alors, c'est pour ça que c'est présent au début. On fera une émission sur toi, ces jours. Ouais. D'accord. Non, Vas-y. Non, j'allais dire qu'on allait se quitter avec une chanson du nouvel album de Cathy Muller. Quoi? Nouvel album qui s'appelle Picture et la chanson s'appelle Spellbound. Donc au revoir à tous et à la semaine prochaine. Merci, merci Laurent. Merci et surtout Chloé, n'oubliez pas la soirée brésilienne. Régie, merci Marie. Merci Charles. Et revenez vendredi prochain. Je peux faire une petite pub vite fait. Vite fait. Si vous voulez écouter de la musique que je produis, vous pouvez aller sur MySpace. Alors bon, tant pis pour eux. Vous tapez Colerpa Taxifolia, C-A-U-L-E-R-P-A. Plus loin, T-A-X-I-F-O-L-I-A. Si vous avez réussi à noter, vous êtes très fort. Et sinon, il y a un lien sur le site de NDESIS. Ouais, il y a le lien. NDESIS. Voilà. Point. Je vous remercie. Allez, à bientôt. Au revoir. Bye bye, bonne soirée. I heard that lately you've gone through a mysterious change. People say your secret is you've been acting strange. They say there's magic afoot, stay away, they all warn. But to me you were magical from the day that you were born.